Le 5 novembre, ont eu lieu le deuxième rassemblement pan-national. Réunissons-nous, mettons-nous en colère, que Bakounet descende, les manifestations et luttes à la bougie pour réexiger la retraite de Bakounet partant Corée du Sud. Séoul, Busan, Daejeon, Daegu, Gwangju, Ulsan, île de Jeju, Jeonju de la province de Jeolla du Nord, Gyeongju et Pohang de la province de Gyeongsang du Nord, Gimhae et Jinju de la province de Gyeongsang du Sud, Gangdong et Wonju de la province de Gangwon de Corée du Sud. Dans ces luttes patronnées par la Direction de lutte pour la mobilisation générale des masses populaires 2016, ont figuré plus de 300 000 habitants, y compris les membres des milieux civils, sociaux, religieux, les citadins, les étudiants, les lycéens, les enfants avec leurs parents, les députés des partis de l'opposition. La lutte à la bougie a commencé sur la place de Gwanghwamun, devant la Maison Bleue où se trouve Bakounet. À la première partie du rassemblement, expression de la colère sur la place, les enseignants, étudiants, fonctionnaires, religieux, y compris le chef de la succursale à la province de Gyeonggi du syndicat national des enseignants, les présidents des associations générales des étudiants des universités d'Iwa pour filles et de Séoul, le co-délégué du conseil national des étudiants formé des associations générales des étudiants de 69 écoles supérieures de toutes les régions, ont prononcé des discours. Au terme du rassemblement, plus de 200 000 participants ont livré la manifestation. Des dizaines de mille policiers de 223 compagnies ont mobilisé des véhicules pour la répression. Les manifestants ont fait le tour des rues Tong et Ulti et de la place de Séoul avant de se réunir sur la place de Gwanghwamun pour tenir la deuxième partie du rassemblement, exiger la retraite de Bakounet, la bougie à la main. On a donné lecture de la déclaration de l'Ordre des citoyens pour la retraite de Bakounet qui indique que le pouvoir corrompu de Bakounet doit démissionner. Le même jour, à Gwangju aussi, la direction du mouvement de Gwangju pour la retraite de Bakounet, responsable de la monopolisation des affaires d'État et de la destruction du régime constitutionnel, formée de 70 organisations civiles et sociales et succursales des partis politiques, l'Action de Gwangju pour la démocratie, la direction de lutte de Gwangju pour le paysan Peng Nam-gi, l'Action de Gwangju contre le SAD ont tenu des meetings à la bougie pour la retraite de Bakounet. Les organisations des jeunes et des étudiants ont tenu le rassemblement des jeunes étudiants de Gwangju. Partout, plus de 300 000 habitants ont tenu le deuxième rassemblement pan-national et livré manifestations et luttes à la bougie. Les Yonhap News, KBS, MBC, CBS, News6, Omae News et autres presses ont fait part des luttes sous les titres « Opinion publique plus indignée », « Bougie pour la démission de Bakounet », « Colère de l'opinion publique », « 300 000 bougies », Rendez-vous d'un million prévu le 12 novembre.